des pays, je sais pas si c'est bon. Ok, improvise. Impro, d'accord ? Après je m'en vais. Ok ? Stars 1, une impro. J'attends le 1. C'est ça? Ah oui, les chariots de feu. Joli ça, Vangelis. Eh bien, bonsoir, Champs-Élysées va commencer. Ça va pas assez vite. Okay. pas ma basse, non. Ton son, Thomas. Mets en volume. Thomas, pump the volume. Thank you. Sorry, I start to run. Thomas, je serai là cet après-midi.